Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la science à Versailles. Le roi insista beaucoup pour que l'on fasse durer ces fontaines. Il ne voulait pas des fontaines sporadiques. Alors, il mit à l'œuvre les plus brillants hydrauliciens du royaume pour justement faire jaillir des jets d'eau comme personne ne pouvait en avoir en Europe. L'auteur Paul Chantraine à l'émission L'Aventure en mai 1992, tout devait être mis au service de la gloire et de la grandeur du roi sous Louis XIV. Et au cœur même de cette gloire et de cette grandeur, un joyau, le château de Versailles. Si les arts et la culture ont brillé de leur plus beau feu à Versailles, il en a été de même pour la science. Versailles a été sous Louis XIV, mais aussi sous Louis XV et Louis XVI, une manière d'épicentre de la recherche et de l'avancement des sciences. C'est quand même pour nous, disons, la fondation même des sciences, qui, pour lesquelles Louis XIV a eu une volonté politique extrêmement marquée, extrêmement ferme. Il n'était pas scientifique lui-même, mais il a fait en sorte que l'Académie des sciences, la construction de l'Observatoire et bien d'autres décisions en matière de politique soient réalisées, également pour illustrer sa gloire, son pouvoir et son importance, bien évidemment. Un scientifique, être su à pouvoir arriver à montrer devant le roi sa prouesse scientifique, sa réalisation, c'est à peu près l'équivalent d'un prix Nobel, si on doit faire une comparaison avec des faits d'aujourd'hui, des éléments d'aujourd'hui. L'historienne de l'art, Catherine Armingeon, dans une capsule produite par Versailles Média, qui est rattachée au château de Versailles, pour nous parler de l'importance qu'aura la science à Versailles et de l'importance qu'aura Versailles pour la science, je reçois Hélène Delalex, qui est conservatrice du patrimoine au château de Versailles et qui a été commissaire adjointe de l'exposition « Science et curiosité » à la cour de Versailles, une exposition qui a été présentée en 2010 et 2011. Hélène Delalex, bonjour. Bonjour. Je vous repose un peu la question que déjà j'amenais en présentation. Quelle place va occuper la science à Versailles et quelle place va occuper Versailles pour la science? Mais c'est vrai que lorsque nous nous sommes plongés dans ces recherches, hein, 4 ans de recherche pour aboutir à cette exposition, eh bien nous nous sommes rendus compte qu'effectivement la science était partout présente à Versailles. Et au début c'était un sujet même qui pouvait paraître incongru. Versailles, lieu de science. Ouais. Versailles, ça évoque les intrigues, la chasse, la cour, l'art évidemment qui est omniprésent. Mais d'en faire un lieu de science, c'était une véritable gageure. Et l'ambition de ces recherches, c'était bien de prouver que Versailles était aussi un lieu de science en tant que discipline avec les plus grands scientifiques et pas seulement la science comme une sorte de curiosité comme ça qui amuse la cour, cette science, ce spectacle. Et les recherches ont été formidablement convaincantes pour montrer qu'il y avait une véritable politique scientifique de la part de Louis XIV. C'est ce que soulignait Catherine Armingeon. Et puis que Versailles était partout un lieu de science, un lieu d'application des sciences pour le chantier, pour les décors, un lieu d'expérimentation avec des terrains spécialement dévolus par le roi pour des expériences scientifiques. Et puis l'enseignement, la pratique des princes et les démonstrations comme le soulignait Catherine Armingeon. Oui, parce qu'effectivement, ces démonstrations font partie de cette vie de la cour de Versailles et elles seront importantes. Il y a un côté spectacle dans cette science qui est fait à Versailles, mais il y a, et c'est ce que vous avez pu démontrer dans cette exposition, il y a un vrai côté avancement de la science aussi qui se fait à Versailles. Il y a, à côté, tout près de cette activité scientifique à Versailles, un lieu aussi très important, l'Académie royale des sciences. L'Académie est au Louvre. Mais les académiciens n'ont qu'une envie dans la vie, c'est de se retrouver à Versailles. Pourquoi c'est si important pour eux d'être à Versailles? Ben, d'abord parce que Versailles, c'est la tutelle de l'Académie. C'est la direction, c'est le gouvernement qui exerce la tutelle de l'Académie des sciences. D'abord le surintendant des bâtiments, Colbert, puis Louvois, puis d'autres grands personnages de la couronne. Et donc ce sont ces personnages qui décident eh bien, des pensions, qui recrutent des savants et qui leur donnent aussi des objectifs, puisque la grande nouveauté pour Louis XIV, lorsqu'il fonde en 1666 cette Académie des sciences, eh bien, c'est de pensionner les plus grands scientifiques d'Europe. Il y a des prises de guerre d'ailleurs assez intéressantes, hein, de cour à cour. Les plus grands scientifiques d'Europe, il les pensionne. Il les laisse libres de poursuivre leurs recherches, leurs travaux personnels, mais en retour, il leur demande de se mettre au service du royaume. C'est toujours effectivement l'obsession de Louis XIV, hein. Se mettre au service du royaume, donc c'est évidemment à chaque fois une science qui est appliquée. Appliquée pour des chantiers, qu'ils soient artistiques ou même sociaux. Et être à Versailles, pour ces académiciens, c'est bien sûr aussi le prestige que ça représente. Quand ils viennent parler, présenter leurs dernières nouveautés, c'est aussi, on peut peut-être l'oublier, mais une façon de briller pour aller chercher du financement. Parce que déjà, à cette époque, il faut de l'argent pour faire de la science. Oui. Alors, il y avait aussi des scientifiques à Versailles, des officiers commensaux qui servaient aussi le roi. Le premier chirurgien, le premier apothicaire, etc. Là aussi, c'était finalement la consécration d'une carrière d'être nommé premier chirurgien, premier médecin du roi. Ils sont à Versailles, carrément. Eux, ils sont à Versailles. Des scientifiques en résidence. Absolument. Ou d'ailleurs, comme après, les futurs enseignants scientifiques des enfants de France. Mais des grands scientifiques viennent également aussi à Versailles pour présenter devant le roi leur invention. Alors, devant le roi, ce qui était assez fréquent, on le voit tout à fait dans les archives, devant le roi et la cour, cette science spectacle un peu plus rare. Mais effectivement, il fallait chercher des subsides et puis aussi trouver une application directe. C'est-à-dire qu'effectivement, trouver une application pour ces nouvelles inventions et qu'elle puisse ensuite trouver son utilité pour le royaume. Et ce qui est fascinant quand on s'intéresse à l'histoire de la science à Versailles, c'est que cette histoire-là commence même avant que le château ne soit complété. C'est un chantier immense que la construction du château de Versailles est déjà à l'étape de la construction. Hélène de l'Alex, c'est un lieu Versailles, d'expérimentation scientifique. Absolument. Le premier lieu d'application de toutes ces nouvelles sciences, c'est le château de Versailles, comme vous le disiez. Le château en tant que tel, la construction, par exemple, avec une amélioration de ce qu'on appelait la cage à écureuil, la fameuse cage à roues que l'on retrouve déjà dans les cathédrales gothiques au Moyen-Âge, mais perfectionnée. Et puis, surtout, les jardins. Et le grand principe, finalement, de ces sciences dans le château de Versailles, c'est que on construit tout par rapport à des méthodes traditionnelles. Mais les dimensions du château, les dimensions du parc sont tellement inhabituelles que l'on doit inventer des nouveaux outils. Par exemple, bien évidemment, on sait tracer des lignes droites pour des jardins réguliers. On le fait en Italie depuis la Renaissance. Jamais à des dimensions pareilles. Jamais sur plus de 10 km de tracer un seul axe. Et donc, on invente des nouveaux outils, notamment le graphomètre à pinules, la lunette de visée, enfin tous ces nouveaux instruments qui sont aussi nos instruments de géomètre aujourd'hui. Et par exemple, on fait des visées pour des tracés de grands axes de perspective qui sont tellement grands qu'il faut prendre en compte la rotondité de la Terre, par exemple. Et les jeux d'eau encore plus. Évidemment, cette formidable aventure de l'hydraulique va donner lieu aussi. Ce sera important. Il y aura une grande invention qui en ressortira. Mais justement, puisque vous parlez de cette hydraulique, de la question des fontaines de Versailles, à nouveau, on écoute l'auteur Paul Chantraine à l'émission L'Aventure en 1992. Puis on reparle de tout ça ensemble tout de suite après, Hélène de l'Alex. Il fallut avoir recours à un projet prodigieux qui était de détourner 10 000 mètres cubes d'eau à l'heure de la rivière qui se situait à 85 km de là pour alimenter les fontaines du roi Louis XIV. Et nul autre que Vauban, l'architecte militaire de Sa Majesté, fut chargé de cela. Mais quand il voulut se servir de simples tuyaux pour amener l'eau de l'Eure à travers les vallées jusqu'au palais de Versailles, le ministre Louvois dut le remettre à la réalité. Il lui dit « Le roi veut des aqueducs sur des arches. Il ne veut pas n'importe quel vulgaire petit tuyau pour amener ces eaux-là. » Et Vauban avait beau dire à Louvois que cela était beaucoup moins cher, beaucoup plus efficace, Louvois lui fit comprendre, presque en le menaçant d'être congédié, que il fallait absolument que ce soit grandiose. Le roi voulait que ce soit un ouvrage qui marque le paysage. De quelle manière cette question de l'hydraulique et du développement de l'hydraulique sera importante à Versailles, Hélène de l'Alex? Le problème de Versailles, c'est Versailles, dit Saint-Simon, c'est que c'est un terrain extraordinairement ingrat pour l'ambition qu'avait Louis XIV. C'est un des seuls terrains, en tout cas en Ile-de-France, où il n'y a pas de cours d'eau à proximité. Or, le roi, pendant tout son règne, veut les jeux d'eau les plus extraordinaires. Et donc, les scientifiques interviennent sur le jardin de Versailles de trois manières. La première manière, c'est l'arrivée l'arrivée des eaux, c'est ce qu'évoquait votre extrait avec le fameux aqueduc de Maintenon, qui est une histoire, un projet fou. L'arrivée des eaux, où on va chercher des eaux de plus en plus loin, jusqu'à 100 km, comme le montrait l'aqueduc de l'Eure. Et puis ensuite, il faut stocker les eaux dans les bassins et développer des nouveaux tuyaux aussi, parce qu'en fait, à partir du règne de Louis XIV, on crée sous le jardin de Versailles 46 km de réseau hydraulique. Et auparavant, les tuyaux des fontaines étaient en bois ou en terre cuite. Et à partir de ces débits-là, eh bien, il va falloir les remplacer par des éléments standardisés en fonte de fer. Parce qu'avec la pression atmosphérique, plus la pression de l'eau dans les tuyaux quand les fontaines sont fermées, eh bien, tout explosait. Donc on fait 46 km de réseau en fonte de fer, qui sont d'ailleurs complètement conservés aujourd'hui, hein, dans l'état Louis XIV, et puis ensuite des tuyaux en plomb d'une forme beaucoup plus contournée pour effectivement distribuer l'eau dans les tuyaux. Et puis là où on ne s'en doute pas forcément, c'est que les académiciens, notamment Lahire, le grand mathématicien, interviennent aussi pour la sortie des eaux, pour le dessin finalement des jeux d'eau dans l'espace. À Versailles, c'est ce qui fait l'unicité de ces jardins dans le monde par rapport à d'autres, c'est que les eaux, elles ont un sens. Quand deux animaux se battent, on a des gerbes, on a des voiles de pudeur pour les nymphes, on a des eaux bouillonnantes, jaillissantes, cascadantes. Et les mathématiciens calculent le débit des eaux. Il faut 9500 m3 pour 2 heures de spectacle dans les grandes eaux. Donc, quel est le maximum d'effet pour le minimum de débit? Et puis, la chorégraphie aussi, les, finalement, très géométrique des eaux dans l'espace. Alors, la vie scientifique à Versailles, on l'a un peu évoqué, ce sont d'abord des scientifiques. Il y aura de grandes pointures à Versailles. Et c'est aussi des installations formidables. Les jardins, le potager, l'aménagerie. Donnez-nous quelques exemples pour nous montrer un peu ce que veut dire cette vie scientifique à Versailles, de par l'utilisation des installations, de par la présence et le génie des hommes et de sciences qui y seront. Toutes les sciences sont présentes à Versailles. On parle au XVIIe siècle, au XVIIIe, de science au pluriel. Hein. Oui. La science, ça veut dire l'astronomie. Et puis, la science en tant que telle aujourd'hui, ça a été normalisé au XIXe siècle. Donc, c'est les sciences. Hein. Et donc, toutes les sciences sont présentes à Versailles. Vous en parliez, évidemment, les mathématiques, la géométrie pour l'arpentage, mais aussi la zoologie, avec cette grande aventure de la ménagerie, et l'anatomie comparée, avec la dissection des animaux exotiques qui étaient dans la ménagerie. On disséquera un éléphant à un moment donné. C'est pas clair d'ailleurs, la dissection à Versailles. C'est un témoignage qui nous est raconté par l'anatomiste directement, Duvernet. Dans la ménagerie exotique, il y avait un grand éléphant du Congo offert par le roi de Portugal à Louis XIV. Et lorsqu'il meurt, eh bien, on le dissèque et la dissection se fait en public, devant toute la cour, dans un grand amphithéâtre qui est monté devant les jardins. Et l'anecdote nous dit que Louis XIV arrive pour cette dissection, ne voit pas l'anatomiste, s'enquiert et se demande où il est à ce moment-là. L'anatomiste sort de façon très théâtrale du ventre de l'éléphant, évidemment, au grand ravissement de toute la cour. Oui. Il y aura aussi, évidemment, ces jardins vont servir non pas seulement à la beauté du lieu, mais des avancées importantes sur le plan botanique, sur le plan de l'agriculture. Mais absolument, c'est plutôt sous le règne de Louis XV, et notamment à Trianon, que Louis XV dévolue ces jardins-là pour des expérimentations botaniques, avec notamment les frères Richard, qui installent des révolutionnaires serres chaudes qui permettent d'acclimater des plantes exotiques et aussi de faire des croisements entre plantes. Et donc, on avait des gigantesques serres avec une collection unique au monde de plus de 4000 espèces venues du monde entier, d'ailleurs, qui sont aujourd'hui encore conservés au Muséum d'Histoire Naturelle. Et puis, l'inné est venu aussi à Versailles. On a même cultivé ce qu'on appelait la Zizania aquatica, c'est-à-dire du riz à Versailles, finalement, cette plante chinoise et tant d'autres plantes exotiques. On revient à cette double fonction d'avancement des sciences, mais aussi de divertissement, le côté spectacle de la science à Versailles. Il y a différents exemples, en fait, qui nous amènent à parler de cette... ce double volet, cet équilibre aussi qu'on cherche entre ces deux volets. On écoute un extrait de la télésérie Versailles de Simon Myron et David Wollstonecroft en 2015. Vous allez voir, on y parle de la présentation du fameux miroir ardent au roi Louis XIV. Votre Majesté, Mesdames et Messieurs, nous allons commencer. Votre Majesté, quand la lumière vient frapper le verre du miroir, la forme particulière et l'orientation de ce dernier amènent les rayons du soleil à former un faisceau commun, un point de concentration de la lumière, source d'une incroyable puissance. Le miroir, votre majesté, c'est vous. Ce vieux morceau de bois, eh bien, c'est la Hollande, évidemment. Et maintenant, si votre majesté venait à tourner son regard vers la République hollandaise, regardez. De même qu'un jour, Archimède fit brûler les vaisseaux romains du haut d'un promontoire. Que nous dit cet exemple, Hélène Delalex, cette démonstration de ce miroir ardent sur la double fonction qu'a Versailles de divertissement? On l'entend dans cet extrait. Là. Les gens applaudissent, on veut les éblouir. Et la réelle importance sur le plan de l'avancée scientifique. Oui, alors on l'a dit, la science pour Louis XIV, pour Versailles, c'est un instrument de la politique de magnificence de la couronne, un instrument presque de propagande, au même titre que la politique artistique. Et puis, parce qu'on est à Versailles, c'est aussi une source de divertissement, je dirais même d'émerveillement. Et ce que nous raconte cet extrait, eh bien, c'est cette scène célèbre qui est lieu dans la petite galerie de Versailles, qui n'existe plus aujourd'hui. La scène du miroir ardent. Donc nous sommes en 1669 et François Villette, un ingénieur de Lyon, vient présenter à Louis XIV un miroir ardent révolutionnaire. Là aussi, le miroir ardent, on le connaît depuis l'Antiquité, Archimède en fait mention. C'est sur cette grande plaque de métal, eh bien, une concentration des rayons solaires d'une manière extrêmement forte. Hein, on arrive à des températures bien plus fortes que n'importe quel four et on procède eh bien, à la vitrification parfois de certaines pierres ou de certains métaux. Et là, on fait l'expérience dans la petite galerie de Versailles eh bien, d'orienter un miroir ardent et finalement d'éclairer en pleine nuit toute la petite galerie en partant effectivement de la seule lumière d'une bougie. Et le roi se place tout au bout de la galerie, en face du miroir ardent, et fait le test de lire une lettre. Et les sources nous disent qu'il lit la lettre comme si on était en plein midi. Ouais. Donc effectivement, c'est aussi une source d'émerveillement. Et donc on s'en servait pour vitrifier les métaux, pour fusionner l'acier, et même étudier aussi la structure des métaux, justement, grâce à ces températures extrêmement élevées. Et puis c'est en fait l'ancêtre de l'énergie solaire, hein, le miroir ardent. Ça sera développé d'ailleurs après, au 18e ou 19e siècle, pour des raisons de chauffage. Hein, et il y en aura tout plein d'autres exemples où on épatera la galerie en même temps qu'on présentera une vraie avancée scientifique. Un autre exemple formidable, c'est probablement un des moments forts de la science à Versailles, cet envolé d'une montgolfière à Versailles en 1783. Curieux équipage. Un coq, un mouton, un canard. Si l'on y prend garde, ce sera bientôt nous qu'on fera monter dans de pareils engins. Aujourd'hui, il ne transporte encore que des animaux. J'ai expressément interdit à Monsieur Montgolfier d'y monter en raison du danger. Mais demain, il transportera des hommes. Soyons-en certains. Il ne faut pas le craindre, mais s'en réjouir. Il faut bien se dire que quand les ballons ont été découverts en 1782 par les frères Montgolfier et expérimentés tout de suite après en 1783, ça a été, en somme, l'invention dans l'histoire qui a eu le plus de succès. Il n'y a aucune autre invention qui, même de loin, ait surpris le public de l'époque comme les ballons. Il y avait de quoi, puisqu'il n'y avait rien au point de vue de navigation aérienne, on n'avait jamais quitté le sol, et qu'en quelques mois, on peut dire en quelques semaines, le problème de l'ascension de la navigation aérienne a été résolu complètement. L'auteur et aviateur Charles Dollfuss, dans une entrevue accordée à l'ORTF en 1970, et juste avant, vous entendiez un extrait du docufiction Louis XVI, l'homme qui ne voulait pas être roi, réalisé en 2011 par Thierry Binisti. C'est un autre bel exemple, Hélène Delalex, de cette double fonction, de l'avancement de la science, mais qui se fait au plus grand plaisir du roi et de la cour. Oui, et dans cette scène, d'ailleurs, le roi est à son balcon, devant la place d'armes. Toute l'Europe est réunie à Versailles pour la signature du traité de Paris, donc la France est regardée, et il y a cet envol par les frères Montgolfier, du premier vol vivant. Pas d'humains, mais donc trois animaux, ouais, que vous avez mentionnés, dont le mouton qu'on a rebaptisé Monte au ciel, qui a parfaitement survécu, et ensuite qui a été bichonné au Trianon de Marie-Antoinette pour le remercier de ses quelques frayeurs qu'il a eues. Donc, l'envol de cette montgolfière au chiffre du roi, qui a fait 500 mètres et qui est gentiment retombé à Vaucresson, Et c'est très fort parce que finalement, à cette veille de Révolution française, c'est aussi la France qui vainc la pesanteur. Hein. Donc c'est encore une avancée dans la science. Et puis, on sait qu'au XVIIIe siècle, tout doit être léger. Effectivement, c'est aussi un symbole finalement que cet envol de cette montgolfière de la cour de Versailles. Comment ils se comparent les différents rois qui seront à Versailles, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, dans leur rapport, dans le rapport qu'ils auront à la science? Le rapport qu'ils ont à la science, c'est d'abord l'éducation aussi scientifique qu'ils ont eue. Et on voit une nette évolution. Au temps de Louis XIV, qui lui-même a fondé l'Académie des sciences, justement, et qui a structuré la science en discipline, on était roi surtout par sa nature, finalement. Et plus on avance, avec Louis XV, évidemment, passionné de science, qui a une éducation scientifique extrêmement élaborée, parce que c'était le régent qui a dispensé cette éducation et qui était lui-même un passionné de science et de chimie. Et puis, évidemment, surtout avec Louis XVI, qui était sans doute le roi le plus scientifique, un passionné d'astronomie, de géographie, d'art mécanique, eh bien, on a cette idée qui avance que l'on gouverne aussi par ses connaissances. Hein, cette idée comme ça, de faire des études, finalement, que c'est la connaissance qui va vous permettre ensuite d'opérer un bon gouvernement. Et donc, finalement, le Versailles, c'est aussi un lieu d'enseignement des sciences. Et c'est Louis XV aussi qui crée la charge de professeur, de surintendant des sciences pour les enfants de France. Et il y aura notamment des cabinets scientifiques pour expliquer aux enfants de France, aux petits princes, la science. Alors on a d'ailleurs, on conserve tous les objets pour la géométrie, les nécessaires de mathématiques, etc. Vous anticipez ma dernière question. Vous dites qu'il y a eu un souci de conservation, de conserver ces objets. Mais à la Révolution, que deviennent tous ces objets? Que devient tout ce savoir? Que devient tout ce patrimoine scientifique rattaché à Versailles? Alors effectivement, pour l'exposition, on parle de Versailles, il a fallu rapatrier et retrouver toutes ces œuvres qui sont passées de Versailles et puis ensuite à la Révolution, à toutes les institutions qui sont héritières des collections royales en France, c'est-à-dire par exemple pour tout ce qui était zoologie, le Muséum d'histoire naturelle, donc elles ont toutes été fondées à peu près en 1793 au moment de la Révolution, hein, donc la ménagerie royale devient ménagerie nationale puis Muséum d'histoire naturelle, l'Observatoire de Paris fondé par Cassini, donc fondé par Louis XIV, qui est une collection absolument fabuleuse aussi d'instruments scientifiques, les archives nationales, les archives de l'Académie des sciences, la Bibliothèque nationale de France aussi pour tous les ouvrages scientifiques, le CNAM, hein, le Centre national des arts et métiers pour toutes ces machines, notamment la machine à électricité qui est utilisée dans la Galerie des Glaces. Donc voilà, nous sommes allés chercher tous ces objets qui sont aujourd'hui parfaitement conservés, mais dans les institutions nationales. Hélène Delalex, c'était passionnant. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Hélène Delalex, je vous le rappelle, conservatrice du patrimoine au Château de Versailles. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.